pour dire « je l'ai vendu » au passé avec plongeoir. Lo he vendido. Lo he vendido. Je l'avais vendu. Lo había vendido. Bien. Lo había vendido. Et maintenant, si vous voulez dire « si je l'avais vendu », ça sera « si hubiera ». Si je l'avais vendu. Si lo hubiera vendido. D'accord. Hein? Si lo hubiera vendido, ça c'est du subjonctif. Si lo hubiera vendido. Dans ces phrases qui expriment une condition, avec une première partie où l'on présente une hypothèse et dans la deuxième partie de la phrase, ce qui va se passer si l'hypothèse se réalise, en général, dans la deuxième partie de la phrase, on utilisera « habría » comme plongeoir.